Alors, bien-aimés, encore une fois, Jésus parle fort. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Il parle clair. Dans cette parabole qu'il nous livre aujourd'hui, il compte bien essayer de nous impressionner. Et pourvu qu'il y arrive. Si cette parabole nous parle pour nous, eh bien c'est probablement qu'elle dit quelque chose de très vrai, qui nous apparaît comme une évidence. Mais, et je l'espère, pour chacun d'entre nous, en même temps qu'elle nous laisse comme une forme d'inconfort, comme le derrière entre deux chaises. En clair, il faut que nous nous sentions visés. Et c'est très bien parce que si nous sentons quelque chose, que nous sommes un peu concernés par cette histoire, c'est que notre conscience est encore un peu lucide pour reconnaître ses manquements. Saint Jean dit « Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur et il fait de Dieu un menteur. » Alors je ne vais pas contredire Saint Jean, mais j'essaierai d'être plus précis. C'est un peu délicat de dire quand même qu'on est plus précis que Saint Jean, que la parole de Dieu, mais quand même. Je dirais, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un inconscient. Inconscient. C'est-à-dire, sa conscience est suffisamment embrumée pour ne pas se regarder avec lucidité. Et ça, c'est dramatique, frères et sœurs. Le péché ici prend de nouveau le visage d'un pharisien, un pauvre pharisien. Selon Jésus, ils sont mal barrés, comme on dit. Et pourtant, vous voyez, les pharisiens sont censés être les premiers de la classe, aux premières loges pour débusquer en eux le mal et pour l'éradiquer. Les pharisiens, ce sont les grenouilles de sacristie, les bons petits cathos qui pratiquent tous les dimanches, bien comme il faut. C'est un peu ça. Enfin, il faut aller plus loin quand même. Les pharisiens sont des hommes de loi, vous savez, ce sont de fins connaisseurs du droit. Ils sont experts de la parole de Dieu. Mais c'est justement que là que va se glisser leur misère, sournoisement, entre leur intelligence ultra entraînée, surdéveloppée, capable de décortiquer et de tourner dans tous les sens le moindre verset de l'Écriture sainte, et leur cœur malheureusement refroidi par une forme d'arrogance et de mépris de ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier la parole de Dieu. À l'ombre du temple. Frères et sœurs, c'est là que se glisse l'orgueil. Entre l'intelligence et le cœur. Et puisqu'on le trouve dans tout homme, eh bien je vous propose d'essayer de comprendre en quoi il consiste. Précisément. Pour le débusquer plus facilement en nous. Et vous voyez, tout ce que je pourrais essayer de dire, vous allez voir, c'est très simple. Malheureusement, le débusquement de l'orgueil en nous ne pourra pas se faire sans une assistance très intime et puissante de l'Esprit-Saint. Vous voyez, nous sommes incapables, nous pouvons essayer de comprendre, ça reste là. Pour que nous puissions le débusquer en nous, il faut que l'Esprit-Saint vienne à notre secours, ça n'est pas humain. Alors, je vous en supplie, avec moi, demandons l'Esprit Saint maintenant, qu'il descende dans notre cœur, qu'il éclaire notre intelligence et notre âme, pour nous permettre de voir, sans nous accabler, mais tout de même avec vérité, avec force, où se glisse l'orgueil en nous, et comment. Alors, il faut arriver à la jointure du cœur et de l'intelligence. là où la justice et la vérité, qui sont des œuvres de la connaissance, de l'intelligence, doivent épouser, tout du moins rencontrer, l'amour et la miséricorde, qui sont les œuvres du cœur et de la volonté. Donc, qu'est-ce qui fait que, bien souvent, la rencontre ne se fait pas? Eh bien, c'est simple. Nous touchons là le point crucial de notre condition de pécheur, le lieu même du péché originel. Il s'agit d'une mystérieuse incapacité que je vais maintenant nommer. Une mystérieuse incapacité, puisque c'est mystérieux, hein, il n'y a pas d'explication. Incapacité que nous avons à voir clairement combien l'amour et la miséricorde sont absolument premiers sur toutes les valeurs de notre âme. Alors je le redis, puisqu'il y a eu du bruit, voyez, pour essayer de nous déconcentrer. C'est pas de sa faute, le pauvre petit. Hein ? Le problème est là, que nous avons une mystérieuse incapacité à comprendre que l'amour et la miséricorde sont toujours premiers, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Autrement dit, ce qui permet à la vérité et à la justice de resplendir, c'est que l'amour aura d'abord été répandu dans les cœurs et dans l'intelligence. La justice et la vérité sont absolument nécessaires, mais elles sont toujours subordonnées à l'amour. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. C'est la miséricorde et la justice, et la miséricorde et l'amour qui permettent à la justice de triompher. Donc, entre l'intelligence et le cœur, c'est le cœur qui doit toujours parler en premier. Et ce n'est pas parce que l'intelligence se trouve symboliquement dans le cerveau, qui est au-dessus du cœur physiquement, qu'elle est première. C'est le contraire. Notre pharisien est un homme de science. Et le voilà qui monte au temple tout enflé de sa science, de sa justice, de son savoir, de lui-même. Écoutons-le et regardons-le, puisque ici, c'est l'orgueil personnifié, d'une certaine manière, que Jésus nous présente, qui se donne à voir et à entendre. Mais tout en le regardant, je vous en prie, ne tombons pas dans son péché. Soyons donc très indulgents avec lui, puisque c'est de nous qu'il s'agit. Ne tombons pas dans l'orgueil. Il faut que nous ayons un regard plein d'amour et de miséricorde pour ce pauvre pharisien. C'est le regard de Jésus. Le voilà qui se tient ostensiblement au milieu, debout, au milieu du temple. Il se prend pour le centre de tout, le pauvre. Qu'il est ridicule. Debout au milieu, c'est-à-dire qu'il bouche la vue, il fait écran entre Dieu et ceux qui se trouvent derrière lui et qui lui sont totalement insignifiants, presque inexistants. Il est debout comme si c'était la seule attitude valable, convenable pour sa propre sainteté devant Dieu. Debout comme s'il était l'égal de Dieu. Et que se dit-il en lui-même? Que pense-t-il? Vous avez vu, il se le dit en lui-même. C'est naturel, puisque les pharisiens, un pharisien par définition est hypocrite. Donc on ne sait pas ce qu'il pense, mais Jésus sait. Et il nous le dit ce qu'il se dit en lui-même. Je te rends grâce, mon Dieu. Écoutez ça. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Oh, comment ça? Tu n'es pas comme les autres hommes. Ça veut dire, tu ne serais pas de la même nature que les autres hommes. tu serais d'une race supérieure. Ça vous rappelle quelque chose? Tu serais d'une race pure, d'une race immaculée, toi. Tu es la race sainte. Comment ça? Les autres sont voleurs, injustes, adultères, mais moi, je ne fais rien de tout cela. Je jeûne même deux fois par semaine et je donne 10% de mes revenus à la quête. Bref, tu vois bien, Seigneur, moi je suis parfaitement en règle, selon la loi, selon la vérité, selon la justice. Ah, voilà. Voilà, alors, puisque la sainte justice est sauve, tu es un saint. Mais mon pauvre ami, tu es complètement ténébré. Tu n'as pas remarqué ton propre mépris pour ce pauvre publicain qui se trouve au fond de l'église. Oh, j'avais pas vu. Tu n'as pas remarqué que tes œuvres, aussi parfaites soient-elles, ont complètement obscurci ton cœur. Mais si tu avais mis l'amour, comme la parole de Dieu te le demande, au-dessus de toute justice, tu aurais tout de suite compris que la plus élémentaire des justices eût été de témoigner avant tout un infini respect pour ce pauvre qui se tient en ta présence. Pauvre prêcheur qui se trouve à genoux, prostré au fond de l'église, se frappant la poitrine, pleurant à chaudes larmes, sans avoir le courage même de lever les yeux vers le ciel. Ce pauvre complètement saisi par l'Esprit Saint. Voilà ce que Jésus répond à ce pharisien lorsqu'il lui dit que sa prière ne lui plaît pas, puisque c'est ça qu'il lui dit. Qu'elle est inutile et qu'au contraire, elle va l'éloigner dangereusement du salut. Qu'on s'entende bien, frères et sœurs, que notre pharisien observe les commandements scrupuleusement est une très bonne chose. Mais encore faut-il qu'il soit conduit par l'amour ce faisant. C'est en définitive la seule chose qui lui manque. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à regarder en nous aujourd'hui. Car nous devons bien le reconnaître, même si nous ne sommes pas des premiers de la classe, même si nous ne sommes pas des experts de la loi et de la parole de Dieu, nous devons reconnaître que nous aussi, nous avons bien du mal à mettre l'amour au-dessus de tout. Nous aussi, nous avons bien du mal à aimer vraiment, authentiquement, concrètement, ceux qui nous entourent, mais en particulier ceux qui nous semblent loin de nos codes de loi, loin de nos milieux, loin de nos principes que nous érigeons trop facilement en absolu. Nous tirons parfois très vite les conclusions de certains comportements qui, objectivement, ne sont parfois pas bons, mais dont nous ignorons tout des origines. Alors certes, nous répétons à l'envi que nous distinguons bien le péché du pécheur, n'est-ce pas? Nous connaissons cette rengaine. Elle est très juste. Distinguons le péché du pécheur. Et une fois que nous avons distingué le péché du pécheur, que faisons-nous du pécheur? Il reste un pécheur. N'est-ce pas? Nous distinguons bien le péché du pécheur, mais nous avons bien du mal à nous approcher du pécheur, à le considérer comme notre égal, comme notre frère, comme notre prochain à aimer, comme nous-mêmes. Reconnaissons que nous aussi, nous avons tendance à nous tenir à distance. En vérité, mes bien-aimés, encore une fois, Dieu seul est juge, juge de leur cœur et du nôtre. Et si nous voulons éviter de nous retrouver à la dernière place dans le royaume des cieux comme ce pharisien, eh bien nous ferions bien de courir ici-bas, nous jeter à genoux nous aussi. Cachés au fond de l'Église, au même rang que les exclus, au même rang que les voleurs, au même rang que les adultères, que les injustes, que les écorchés vifs, que les toxicos, que les androgynes, les divorcés, les homos, les alcoolos, les assassins, les infidèles. En nous frappant la poitrine, pour nous aussi attirer le regard miséricordieux de Dieu, parce qu'au fond, nous sommes de la même race, nous sommes de la même nature humaine, blessés. Ils sont exactement comme nous, et si bien souvent, en effet, ils chutent par faiblesse, nous risquons de dégringoler, nous, par orgueil, ce qui est infiniment plus grave. Frères et sœurs, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Or, c'est vers ces personnes-là que Jésus s'élance en premier, pour les serrer dans ses bras, en passant à côté des orgueilleux idéologues qui ont érigé leur système en absolu. Alors, frères et sœurs, ce que notre Seigneur veut nous rappeler avec force aujourd'hui, ce n'est pas d'abord que nous sommes orgueilleux, bien sûr, ça nous le savons, je l'espère. Mais c'est qu'en définitive, ça n'est que l'amour qui sauve. Rien que l'amour. Et toutes nos justices ne valent rien en dehors de cet amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.